Lumière, accorde-moi ta miséricorde, mon Sauveur, sauve-moi, car moi je suis à toi, je suis issu de toi. Tu es mon intellect, engendre-moi. Tu es mon trésor, ouvre-moi. Tu es mon plérôme, reçois-moi en toi. Tu es mon repos, accorde-moi ce qui est parfait, ce qu'on ne peut pas saisir. Je t'invoque, toi, qui es et qui préexiste, par le nom exalté plus que tout nom, par Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, Roi des Éons. Accorde-moi tes dons sans les regretter, par le Fils de l'homme, l'Esprit, le Paraclet de vérité. Accorde-moi la puissance de te demander. Accorde-moi la santé de mon corps, puisque je te le demande, par l'Évangéliste, et accomplis la rédemption de mon âme lumineuse à jamais, ainsi que celle de mon esprit, et le premier-né du plérôme de grâce, révèle-le à mon intellect. Gratifie-moi de ce qu'œil d'ange ne verra jamais, de ce qu'oreille d'archonte n'entendra pas, de ce qui ne montera pas au cœur de l'homme, celui qui est devenu ange, et à l'image du Dieu psychique, après qu'on l'eût façonné depuis le commencement. Puisque j'ai la foi et l'espérance, gratifie-moi de ta grandeur bien-aimée, élue, bénie, le premier-né, le premier engendré, et le mystère merveilleux de ta maison, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance, la gloire, la bénédiction et la majesté d'éternité en éternité. Amen. Christ est saint.